J'avais d'abord dit oui pour aujourd'hui, puis non, et puis finalement j'ai réussi à me libérer, mais en proposant d'intervenir sur quelque chose d'un peu décalé, qui est un séminaire de 4 mois que je viens de terminer, qui porte sur Walter Benjamin et Charles Fourier. Et un peu pour moi, en préparant cette séance, je voulais intituler ça, mais c'est prétentieux, c'est un peu ridicule, à quoi bon, mais c'était pour éclairer un peu mon point de vue, à quoi bon faire un séminaire aujourd'hui sur Benjamin et Fourier. Comme depuis que tu as eu un poste, ça va commencer bien. Et finalement, je l'ai intitulé « De l'innervation critique de l'utopie », qui était le titre donné dans le programme. Donc, « De l'innervation critique de l'utopie à l'éversion critique par l'utopie ». Et note au sujet de Phalanster W, qui est donc l'intitulé de ce séminaire, qui s'est terminé il y a 2 semaines tout juste. Donc là, j'ai un peu les moteurs coupés, je suis plutôt sur la ligne d'air, donc si je divague, vous ne m'en voudrez pas trop, je l'espère. Donc entre le 8 avril 2015 et le 22 septembre dernier, j'ai eu la chance de pouvoir proposer aux lecteurs de la librairie Le Livre à Tours, qui est un magnifique lieu créé par Martin Arnold et Laurent Evrard, un séminaire de recherche intitulé Phalanster W. Et pour tous ceux qui passent à Tours, je vous recommande vraiment cette librairie qui, pour moi, sur le plan des sciences humaines, de la poésie et de la littérature, est sans doute une des plus belles, sinon la plus belle de France. Grâce à un nouveau système de soutien institutionnel qui a été inauguré par CICLI, qui est l'agence régionale du Centre pour le Livre, l'Image et la Culture Numérique, et là plus précisément par son pôle Livre et Lecture qui était chargé Yann Bissez, un système permettant l'accueil rémunéré sur de longues périodes de chercheurs ou d'artistes dans des structures non exclusivement institutionnelles. Il m'a ainsi été permis d'exposer mes recherches en cours sur le projet Phalanster W, que j'ai par ailleurs sous-titré « Walter Benjamin Charles Fourier, l'utopie sauve ». Ainsi, à raison de 2 séances d'une heure et demie tous les 15 jours, soit au fil de 10 séances entrecoupées périodiquement de rencontres plus étendues avec des invités de mon choix, Miguel Alain Sourd, Antonia Birnbaum, Philippe Hivernel, Alejandra Riera, que vous connaissez peut-être moins, qui est une artiste contemporaine, et Michel Rios-Arcet, j'ai abordé un certain nombre de points qui structurent provisoirement le contenu d'un ouvrage à venir sous le titre de Phalanster W. Ici, je voudrais juste rassembler devant vous, et alors, comme je viens de le dire, que le séminaire s'est à peine achevé il y a 15 jours maintenant, quelques réflexions, notes parcellaires au sujet de Phalanster W, et notamment celles relatives à l'intérêt présent d'explorer en détail la conjonction singulière formée par Walter Benjamin, Charles Fourier et l'utopie. Soit l'intérêt présent à maintenir aux marges ou au bord de la théorie critique de son étude un esprit de l'utopie toujours persistant. J'indique en outre, en passant, mais cela avait une importance grande pour moi dès le départ, que l'affiche qui relayait régulièrement les informations du séminaire comprenait une seule image, extraite de l'œuvre de 2009 intitulée « Et », image en japonais, de l'artiste Natasha Nizik, la photographie d'un paysage japonais de montagne dévasté par un tremblement de terre dans la région de Fukushima et qui laisse voir, brutalement interrompue par le vide béant d'une faille à ciel ouvert, une portion de route à la ligne droite brisée. J'ai amené une de ces petites affiches pour vous voyez l'image en question. Et c'était un tremblement de terre avant la catastrophe de Fukushima. C'était antérieur. Devant une assistance souvent fidèle et attentive, qui oscillait entre 15 et 30 personnes de semaine en semaine, et parfois beaucoup plus pour les rencontres avec les invités, les rencontres c'était dans la librairie au milieu des livres, le séminaire dans la cave, sous les livres, exactement, au milieu des pièces. J'ai aussi bien abordé la question du sauvetage, sous l'interrogation générale « Réunir Benjamin avec Fourier, veut-il dire les sauver ?» celle du retour politique de Charles Fourier dans les années 30 et la question afférente de son antisémitisme, la position de Benjamin entre Marx et Fourier selon Pierre Klossowski, le détail précis du contenu ou des manques de l'alias W consacré à Fourier dans le passage Unwerk, l'imaginaire et la réalité du phalanstère fourriériste pour Benjamin, ou encore, dernier exemple, ce que j'ai appelé la politique fourriériste de la dissémination subversive, soit pour partie la question de la propagande et de la propagation des idées fourriéristes vues par Benjamin. Lors des rencontres avec les invités, d'autres aspects furent privilégiés, la première et la seconde technique chez Walter Benjamin, le rapport entre utopie et théâtre d'enfants prolétariens à partir de son texte écrit pour Assia Lassis, ou les questions d'historicité chez l'auteur d'Expérience et pauvreté. Après un cahier Charles Fourier que j'ai dirigé en 2010 avec Michel Rioche-Sarcet et consacré à Walter Benjamin, lecteur de Charles Fourier, il s'agissait là avant tout pour moi de reprendre à neuf les matériaux de ce dossier, et notamment les 190 fragments qui constituent, entre l'alias conspiration, compagnonnage et l'alias Marx, l'alias W consacré à Charles Fourier dans Paris, capitale du XIXe siècle. Pour le dire autrement et éclairer le titre du séminaire, il s'agissait d'explorer, c'était en tout cas l'une de mes hypothèses de départ, le phalanstère bâti par Benjamin lui-même dans cette liasse W, soit le réseau de passages qui lui permirent, à partir de l'œuvre du rêveur sublime ou de sa réception, de maintenir l'utopie sauve au regard de la crise ou des crises qu'alors exilé en France à partir de mars 1933, il ne cessait de traverser. À noter en outre, pour compléter la vision de ces matériaux, qu'à l'exclusion de la liasse W et de ses presque 190 fragments consacrés directement à la pensée de Charles Fourier, Paris, capitale du XIXe siècle, comporte 50 autres références explicites à Fourier, mais surtout implicites, voire masquées, 150 fragments supplémentaires évoquent l'univers du sociétaire. Près de 400 fragments du passage Anvers touchent donc à Fourier, qui ouvre aussi les exposés de 1935 et 1939, je vais y revenir, et alors même que Benjamin n'a sans doute lu sur pièce que deux parties des textes de Fourier n'excédant guère une centaine de pages. Ce projet de séminaire est né aussi, il est important de le noter, dans le contexte favorable d'édition ou de réédition récente. 9 volumes des œuvres complètes de Charles Fourier viennent d'être repris aux presses du réel dans la collection L'écart absolu. Il en manque 3 par rapport à l'édition Anthropos d'origine. 5 volumes de l'édition des œuvres complètes de 1841 ont également été récemment réimprimés par les archives Carélines, et l'édition critique intégrale des 21 volumes des œuvres inédites de Walter Benjamin est en cours de traduction en français, en partie sous ma responsabilité scientifique, alors que sa source allemande, la nouvelle édition critique intégrale publiée par Zurkamp, a déjà plusieurs volumes à son actif, paru depuis 2008. Mais il faut s'en garder, les liens de cause à effet ne sont que rarement effectifs. Si aujourd'hui la pensée de Walter Benjamin est en apparence reconnue, ce n'est assurément pas pour cette admiration sans borne portée à Charles Fourier que soulignait chez lui Pierre Klossowski, et ce n'est que trop rarement pour les raisons qui ont à voir avec le caractère éminemment transversal et ouvert de sa pensée. La place institutionnelle faite aujourd'hui à Charles Fourier est moins favorable encore. Son destin, souligné par André Breton dès son ode à Fourier, semblant d'être toujours commenté, jamais lu. Autrement dit, c'est une incidente. Le projet phalanstère W a aussi été soutenu parce qu'il ne rencontrait pas d'espace naturel pour s'épanouir dans les cadres de recherche universitaire ou institutionnel existant. Et ce fut bien là une chance sans égale qui s'est offerte à moi avec l'hospitalité de la librairie Le Livre à Tours. J'ai indiqué en préambule la nécessité de repartir des matériaux et ce fut en réalité, plus particulièrement encore, celle de m'en tenir à un fragment précis de l'alias W, le fragment W74, que je cite déjà dans ma contribution à la revue Illusio. Qu'écrit donc Walter Benjamin dans ce fragment du passage Anvers ? Je le cite. Il faut établir une comparaison entre l'idée de Fourier selon laquelle les phalanstères se propagent par des explosions et deux idées de ma politique, celle de la révolution comme innervation des organes techniques du collectif, comparaison avec l'enfant qui apprend à saisir en essayant d'attraper la lune, et celle de la rupture de la téléologie naturelle. La mention par Walter Benjamin de deux idées de ma politique est exceptionnelle. Sans doute est-elle même unique dans toute son œuvre. Si le philosophe allemand avait bien le projet d'écrire une étude sur le politique, notamment à partir du roman utopique Les Abendio de Paul Scherbart, Ce projet ne vit finalement jamais le jour, car il en perdit le manuscrit préparatoire en 1927 lors d'un voyage en Corse. Comme l'écrit Irvine Wolfhard dans le cahier Charles Fourier déjà mentionné et consacré à Walter Benjamin, lecteur de Charles Fourier, le projet qu'a formé Benjamin dès sa jeunesse d'écrire sa politique, Meine Politik, n'a jamais abouti. Restent quelques tentatives tardives et fragmentaires de déplier le programme ébauché dans Vers le planétarium et repris dans le dernier paragraphe de l'essai sur le surréalisme, notamment les pages consacrées à la seconde technique dans différentes versions de l'essai, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, les deux exposés et certaines notes éparses du livre des passages, et les dernières thèses et paralipomènes sur le concept d'histoire. Que les idées politiques singulières de Walter Benjamin soient toujours à recomposer compte tenu de leur dispersion ou de leur caractère fragmentaire apparaît comme une évidence. Mais celle-ci, aussitôt doublée par une autre évidence désormais incontournable à mes yeux, l'œuvre de Charles Fourier, c'est-à-dire le rôle et la place de sa pensée dans les réflexions du philosophe allemand, représente, à partir d'une certaine période politique de sa vie, celle de l'exil précisément, un point de passage obligé pour opérer cette recomposition, soit cette lecture critique du politique chez Walter Benjamin. Or, à suivre aussi très précisément les mentions et réflexions sur Charles Fourier dans les différents essais de Walter Benjamin, je les énumère rapidement, entre 34 et 40, Paris capitale du XIXe siècle, en 35, le premier exposé, Paris capitale du XIXe siècle, entre 36 et 39, les différentes versions de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, en 37, les inédits sur les commentaires de Brecht, en 38, le Paris du Second Empire chez Baudelaire, la Bohème, les commentaires de quelques poèmes de Brecht la même année, en 39, le second exposé, Paris capitale du XIXe siècle, sur quelques thèmes baudelairiens, les régressions de la poésie de Carl Gustav Jungmann, sur Scherbart, et enfin en 40, sur le concept d'histoire. Donc à suivre très précisément les mentions et réflexions sur Charles Fourier dans ces différents essais, toutes traitent de la question de l'art et de sa modernité, de la première moitié du XIXe siècle à l'ère de sa reproductibilité technique industrielle. Lorsque Benjamin reprend à des écrits militants de 1845, consacrés aux formes alternatives de diffusion des idées fourieristes, les termes d'une propagation du phalanstère par explosion, cette reprise est d'abord celle d'une politique fourieriste de la dissémination subversive dont il relève ou espère le caractère éminemment contemporain. Ainsi, chez Benjamin, innervation, propagation et avant-garde des artistes sont dans une perspective révolutionnaire si étroitement liées que la seule étude de ce fragment permettrait d'éclairer par le détour de Fourier ses textes majeurs des années 30 et notamment ses essais les plus politiques, de l'étude sur le réalisme aux thèses sur le concept d'histoire, de ses développements sur le cinéma et les masses, et ses réflexions sur le théâtre, le jeu et l'enfance. Au prisme de ce fragment de W74, ce n'est donc pas seulement la place et le rôle de la pensée de Charles Fourier dans celle du philosophe allemand qui apparaît comme fondamentale, c'est l'importance tout aussi capitale des réflexions sur cette pensée dans l'économie générale d'une politisation radicale de l'esthétique tournée dans l'esprit de Walter Benjamin vers l'émancipation, une prévalence, en somme, donnée à l'art en sa dimension émancipatrice. À ce stade, peut-être est-il nécessaire de faire un rapide retour sur l'importance subitement accordée à Fourier par Walter Benjamin pour comprendre les différents enjeux qui se dessinent ici autour de l'utopie et de l'émancipation. Et sans doute est-ce pour moi un des enseignements du séminaire Phalanstère W que d'avoir mieux saisi combien Fourier apparaissait dans l'univers de Benjamin in extremis. Combien il apparaissait in extremis pour être sauvé, et sauvé avec sa charge utopique, mais combien aussi, à l'inverse, il semblait pouvoir sauver, également in extremis, quelque chose du projet même de Benjamin sur les passages parisiens, qui prit alors une autre ampleur. Sans pouvoir ici rentrer dans les détails, il faut d'abord mentionner qu'entre 1927, la lecture du Paysan de Paris d'Aragon, contemporaine des tout premiers linéaments du livre des passages, et l'apparition de l'alias W consacré à Fourier dans Paris capitale du XIXe siècle, 7 années s'écouleront. En 1934, après avoir lu l'ouvrage d'Auguste Pinloche intitulé « Fourier et le socialisme », puis découvert à la Bibliothèque nationale en mars 1934 les 4 volumes de Zygmunt Englander sur les associations ouvrières françaises, Benjamin avait reçu commande d'une étude pour la revue de recherche sociale de l'Institut de Francfort, étude qui sera finalement abandonnée sur la Neue Zeit du point de vue de la théorie et de la politique de la culture. Or, sur les tout premiers fragments consacrés à Fourier dans l'Alias W, l'exergue et les deux suivants viennent de l'ouvrage de Pinloche, 8 autres proviennent de celui de Englander et 11 sont issus de la Neue Zeit, l'année 1934 marquant ainsi très clairement l'ouverture de l'Alias W dédié à Fourier, c'est-à-dire la prise en compte et le travail sur cette pensée. Rapidement, par parenthèse, c'est aussi cette même année que Benjamin s'intéresse véritablement aux images, ce que j'ai essayé de montrer dans un article que Marc a publié dans un gros recueil consacré à Benjamin et Althusser. Cela notamment après avoir visité une exposition consacrée à la Commune de Paris. Et c'est seulement à peine un an après cette découverte, donc 34-35, c'est seulement à peine un an après cette découverte que le premier exposé intitulé « Paris, capitale du XIXe siècle » s'ouvre sur la partie 1 intitulée « Fourier ou les passages », ouverture qui ne changera pas avec la version de 1939 du même exposé. Au moment donc où Benjamin découvre véritablement l'œuvre de Fourier, ce moment qui est aussi celui d'une crise personnelle et politique implacable provoquée par l'exil et la dureté de ses conditions de vie, il place aussitôt cette œuvre au premier plan, à l'avant-scène, si l'on veut, d'une synthèse de ce projet phare qui orientera tous ses écrits encore à venir jusqu'à 1940. Quel est alors pour Benjamin l'intérêt d'une telle confrontation qui, pas seulement sous une forme symbolique, dresse Fourier face ou oppose Fourier et son palais sociétaire à l'objet de cette toute première recherche sur la modernité au XIXe siècle, le passage parisien. Et pourquoi en venir même à exhumer une telle œuvre, qui cependant connut un véritable regain d'actualité entre 1933 et 1937, dans des noms autrement plus séduisants et moins facilement associés à l'antisémitisme, Baudelaire, Louis-Philippe, Haussmann, se proposaient pour cette amorce des exposés. Sans doute y va-t-il là d'un geste ou l'urgence à sa part, et ce, de manière significative au regard des circonstances du temps présent, comme l'urgence, question à explorer plus avant, de dresser vivant le barrage de l'utopie et de l'hétérodoxie face à l'alliance à venir des extrêmes de droite et de gauche. L'autre point que je retiens tout particulièrement du séminaire Phalanstère W a à voir avec l'innervation critique de l'utopie qui, il me semble, sollicite tout particulièrement l'attention de Walter Benjamin, innervation critique dont la figure de l'explosion est un aboutissement, mais dont les linéaments plongent dans le sauvetage déjà du seul nom de Fourier. On sait que, sans pouvoir entrer ici dans les détails, l'avènement de l'harmonie, au sens de Fourier, c'est-à-dire la transformation radicale de la société civilisée, son bouleversement et son abandon, se fera en premier lieu pour Charles Fourier grâce à la dissémination en petit d'un modèle de société autre. Une citation placée en exergue dans la biographie de Charles Pellerin l'indique assez. Nous irons par une fondation infiniment petite à une métamorphose infiniment grande. Il s'agit là d'une forme de propagation d'un événement qui, comme une traînée de poudre, se répand par l'exemplarité, la contagion ou la contamination joyeuse, un mouvement constant d'extension et de multiplication d'une cellule originelle ainsi offerte au marcottage créatif. Si j'emploie le terme de marcottage, c'est parce qu'il y a tout un rapport avec la question de l'horticulture, notamment chez Fourier, de la dissémination agricole, et qui recoupe en bien des points ce que Deleuze et Guattari ont pu énoncer avec leur rhizome. Et ça, je l'ai abordé dans un article consacré à cette question qui va apparaître dans un livre hommage à René Scherer. Le terme « explosion » retenu à cet égard par Benjamin, ou « forcé » par lui, comme il força le rapport du phalanstère de Fourier au passage parisien, mais pour mieux en sauver la charge émancipatrice, ça je ne peux pas développer maintenant. Donc le terme explosion retenu à cet égard par Benjamin fonctionne, semble-t-il, alors à la manière des ambigus fourieristes. Il permet le passage, la transition, la circulation entre des domaines, sinon hermétiquement séparés, et qui, par cela même, entraverait et le mouvement et la formation de liens harmoniens. Le terme d'explosion permet ici en effet à Benjamin, et pour reprendre le vocabulaire fourriériste, d'engrener vers le monde végétal et la dissémination, une explosion végétale, dionysiaque. Il y a une magnifique citation dans le livre des passages qui reprend au livre d'Englander sur les associations ouvrières, où il parle de 1830. Elle associe la révolution de 1830 à l'explosion d'une plante qui ne fleurit qu'à intervalles de plusieurs années et en provoquant justement une explosion aussi sonore. Donc, une explosion végétale dionysiaque, donc d'engrener vers le monde végétal et la dissémination, une explosion végétale dionysiaque, d'engrener vers le monde machinique, technique et industriel, le moteur à explosion, l'explosion industrielle, et d'engrener enfin vers le monde politique, révolutionnaire, libertaire ou utopiste, une explosion libératrice, une explosion de possible. Par son insistance sur ce terme d'explosion, Benjamin s'affranchit de l'aspect transitoire sur lequel Fourier insiste parfois par souci stratégique, s'affranchit des convenances ou de la prudence dont l'utopiste était en effet obligé de faire montre pour mieux révéler ou mettre en relief, pour mieux insister sur ces aspects radicalement subversifs de l'ordre existant. Ce qu'indique Miguel Abinsour dans sa thèse sur les formes de l'utopie socialiste communiste vaut à l'évidence pour lui. Je le cite, « Les formes non violentes de l'utopie peuvent être pensées comme une véritable stratégie anti-jacobine, projetant une prolifération irrésistible de cellules exemplaires telles qu'elles exercent sur l'extérieur une attraction passionnée et qu'elles créent dans le dos de la société bourgeoise un nouveau tissu social, contagion de micro-sociétés qui attaquent la société globale par une pratique globale de la désertion, une stratégie non plus frontale mais latérale. De même, Pierre Klossowski est-il tout aussi clair peu d'années avant. Je le cite, « Le projet de Fourier, longtemps enseveli, émerge à nouveau aujourd'hui, où les conditions industrielles ont par elles-mêmes bouleversé les anciennes classes et en ont multiplié de nouvelles. D'une manière générale, l'esprit et le sens expérimentateurs des dernières générations porteraient des groupes beaucoup plus vastes à se rapprocher de semblables projets, soit que ceux-ci se débarrassent une fois pour toutes de la notion d'utopie, soit que, tout au contraire, ces groupes retiennent cette notion de ce qui est nulle part en s'identifiant eux-mêmes au nulle part, afin de l'étendre partout comme réalité unique du fait de leur présence agissante. » Et encore Gilles Deleuze au sujet du précédent texte de Klossowski, un complot, ce serait une communauté de singularités d'un autre type qui ne se laisserait pas régulariser, qui entrerait dans des connexions nouvelles, qui serait révolutionnaire en ce sens. Si cette radicalisation de Fourier par Walter Benjamin le fait donc consteller jusqu'à aujourd'hui, il le fait également discontinuer, le réintroduisant ou le maintenant, voire le mettant au jour, le révélant dans le cadre d'une tradition de la discontinuité dont il faudrait pouvoir retisser les fils encore perdus. Et juste par parenthèse encore, Miguel Abinsour a terminé son intervention dans mon séminaire sur cette question de cette tradition méconnue de la discontinuité, et Michel Rieux-Sarcey a fait de même dans la séance de clôture. Donc il y a là tout un chantier sans doute à explorer plus avant. Et même si l'aspect transitoire évacué par Benjamin peut sembler ailleurs réintroduit par l'idée d'innervation, l'idée d'une propagation du phalanstère par explosion est quant à elle raccord, si je puis dire, avec un autre aspect de l'innervation, soit avec le geste du joueur au moment du danger, avec l'instant soudain d'un retournement de la doublure du temps, toute une radicalité recouvrée du projet fourriériste, en position d'être dès lors actualisée en des temps 1933-1940, pris par l'urgence d'un changement radical. Sont esquissés là, point de fuite également ouvert par le séminaire Phalanstère W, des interrogations possibles sur les formes topographiques actuelles de résistance ou de dissidence, d'opposition au pouvoir, et qui semblent pouvoir trouver des échos, des affinités électives peut-être, dans celles que Benjamin a discernées et distinguées à partir de sa lecture de Fourier. Je terminerai sur un dernier aspect énoncé avec le titre de mon intervention, celui de l'éversion critique par l'utopie. On sait que le terme d'éversion, qui vient du latin éversio, renversement, destruction, à avoir avec la ruine, le renversement d'une ville, d'un État, la destruction d'un système ou d'une doctrine. Mais ce terme touche aussi au corps et notamment à l'action de tourner un organe vers l'extérieur, comme lorsqu'on retourne la paupière vers l'extérieur pour l'examiner, pour en extraire un corps étranger. L'illusion de l'intégrité est alors ruinée au profit d'une mise au jour des dessous, des sous-jacences. On retrouve là à l'œuvre, on peut en suivre le fil chez Walter Benjamin, une forme de retournement systématique. Dans le chantier de construction qui s'offre en effet à tout lecteur du passage en Arbeit, le geste essentiel n'est ni d'accumulation ni de thésaurisation, mais de retournement, celui de ne jamais laisser gagner les herbes hautes de l'immobilisme qui, par le mythe, viendront masquer les matériaux à portée de la main, mais de toujours défricher alentour pour pouvoir saisir et retourner, libérer les virtualités émancipatrices maintenues sous-jacentes. De ce geste essentiel, maints fragments pourraient témoigner. Ainsi, cet extrait des premières notes, « Les passages sont des monuments d'une existence révolue et la force qui travaille à l'intérieur d'eux est la dialectique. La dialectique les fouille, les révolutionne, les met sans dessus-dessous de sorte que la couche superficielle devient la plus profonde. Elle transforme ces endroits de luxe pour qu'ils ne soient plus rien de ce qu'ils sont. » Comme si avec Fourier, avec l'utopie de Fourier, le geste essentiel de Benjamin consistait très précisément à retourner le rêve des passages en réveil du phalanstère, un réveil qui supposerait grondement, éruption, explosion, soit, encore une fois, l'intégration à ce travail d'une tradition politique insurrectionnelle dont Fourier serait justement, peut-être même à son corps défendant, l'emblème à partir de l'exposé de 1936. Pour arriver à la formulation de ce qui peut sembler une évidence, retourner le rêve des passages en réveil du phalanstère, sans doute me fallait-il suivre le trajet qui mène de l'innervation critique de l'utopie à l'éversion critique par l'utopie, trajet autrement intitulé Phalanstère W. Je vous remercie.